وكي نولي إن شاء الله لصورة للفطار بس عم نسحف صفية أخوزي بسم الله السماء انفطرت وإذا كواكب انتثرت وإذا بحار فجرت وإذا قبور محفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك فسواك فعدلك في أي صورة في ما شاء في أي في أي في أي في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يوما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وهم عنها بغائبين عنها يفعلوا جلوها وما هم عنها وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس من نفس شيئا والأمر يومئذ لله. بارك الله فيك. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في التفسير أي إذا انشقت السماء وانفطرت وانتثرت نجومها وزال جمالها وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا وبعثرت القبور بأن أخرجت ما فيها من الأموات وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران هنالك يعد الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة وميزانه قد خف والمظالم قد تداعت إليه والسيئات قد حضرت لديه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. Donc en français l'explication du Cheikh ici Abd al-Rahman ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. D'abord la traduction des versets: lorsque le ciel se fendra et que les étoiles se disperseront et que les mers exploseront et que les tombes seront retournées et que chaque âme saura ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a retardé. Donc le Cheikh dans l'explication il dit le jour où le ciel il sera fendu, il sera déchiré comme c'est cité dans beaucoup de versets du Coran et où les étoiles elles seront dispersées, c'est-à-dire que la beauté du ciel elle disparaîtra et le ciel il sera déchiré et les étoiles comme on l'a déjà lu elles seront éteintes et elles seront enlevées de leurs orbites et les mers elles seront comme une seule mer et on a vu dans une autre sourate que les mers elles seront allumées comme si c'était du feu et les tombes elles seront retournées donc tout ça bien sûr au jour du jugement c'est-à-dire que ce qu'il y a dans les tombes sera ressorti. Les morts qui sont dans les tombes, ils ressortiront au jour du jugement et ils seront ressuscités, ils seront regroupés pour être postés devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour être récompensés selon leurs actions. Donc à ce moment-là, yan kashiful ghita, c'est-à-dire le voile, il disparaîtra pour les êtres humains et ce qui était caché apparaîtra. Donc ce qui était caché, que ce soit les actions, les intentions des gens et aussi ce jour, le jour du jugement, enfin il apparaîtra. Et le paradis et l'enfer. Et chaque âme, elle connaîtra ce qu'elle a gagné et ce qu'elle a perdu. Et c'est à ce moment-là que celui qui était injuste, donc c'est-à-dire notamment le kafir, quand on dit al-zalim comme ça, ça peut sous-entendre le kafir, parce qu'il est injuste, parce qu'il associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à ce moment-là que l'injuste, il regrettera. Parce qu'il verra que toutes ses actions, elles sont fausses. يعني أن الإنسان الكافر غير المسلم كل أعماله وإن كانت طيبة وصالحة يومئذ يعني يوم القيامة تكون باطلة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني لا وزن له أو قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ماذا لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يعني المشرك والكافر أعمالهم باطلة وإن كانت صالحة وإن كانت في الظاهر طيبة فما قدموه من الأعمال من صلوات إن صلوا ولو في دينهم وأدعية وزكاة أو صدقات للفقراء أو مساعدة المساكين كل هذا يكون باطلا لأنهم لم يأتوا بماذا بالإيمان كما قال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يعني عمل لينال الجزاء والثواب في الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا يعني من شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى أن يكون العامل مؤمنا إن لم يكن مؤمنا فيوم القيامة سيندم لأنه سوف يرى أعماله باطلة كالريح والتراب. Donc il dit ce jour-là l'injuste il va regretter et il va se rappeler, il va mordre ses mains comme Allah l'a cité dans le Coran. ويوم يعض الظالم على يديه, le jour où l'injuste il va mordre ses mains, c'est-à-dire par regret, ça exprime le regret. Parce qu'il verra toutes ses actions, elles sont nulles. Parce que comme Allah l'a dit beaucoup dans le Coran, comme il a dit dans un autre verset par exemple, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا, c'est-à-dire on va prendre ce qu'ils ont fait comme action et on va en faire de la poussière dispersée. C'est-à-dire que leurs actions, ils n'auront pas de poids. Ou dans un autre verset où il est dit, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux d'avant toi, que si tu associes à Allah, tes actions seraient annulées. Donc le mushrik ou le kafir, ses actions n'ont pas de poids. Même si il peut parfois prier Allah dans sa façon à lui, ou il peut aider des pauvres, ou il peut donner des sadaqat, tout ça devant Allah Azza wa Jal, ça n'aura aucun poids pour lui, yawm al-qiyama. Et comme il est dit dans un autre verset encore, celui qui veut la vie future et qui fait l'effort qui lui convient, wa sa'alaha sa'yaha, c'est-à-dire qui fait les actes et les efforts qui permettent d'acquérir la vie future et qui est mu'min, c'est-à-dire et qui est croyant, ceux-là verront leurs efforts récompensés. Donc celui qui n'a pas le plus grand sabab qui est l'iman, donc l'iman qui est la foi, le fait d'être entré dans l'islam, alors celui-là ses actions n'ont aucun poids au jour du jugement et il regrettera quand il verra justement ses actions, tout ce qu'il a fait de bien, ça n'aura aucun poids. Et il verra aussi sa balance légère. كما قال تعالى ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه يعني يراه يرى ما قدم ولكن ما سبب ثقل أو خفة الأعمال ما هو السبب هو الإيمان والكفر يعني المؤمن أعماله ثقيلة يعني لها وزن ويثاب عليها ولكن هل كل المؤمنون أعمالهم وزنهم واحد؟ لا، يختلف بحسب ماذا؟ بحسب الإخلاص، بحسب الموافقة وشدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس كل الأعمال سواء. قد يصلي الإنسان ركعتين يخلص فيهما، وجاره يخلص أكثر منه، فركعتاه وركعتا ذاك ليست سواء. هذا يعني يترتب عليه على ركعتيه أجر عظيم وأكثر من صاحبه. لماذا؟ لأن نيته أخلص، وموافقته ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأشد. والكفار طبعا أعمالهم خفيفة لا وزن لها ولا يثابون عليها. Et il dit aussi, l'être humain, il verra ce jour-là, ou plutôt l'injuste, il verra sa balance, elle est légère. Comme Allah il dit dans une autre sourate, celui qui verra un atome de grain, il le verra, qui a fait de bien un atome de grain, il le verra, et celui qui a fait un atome de grain de mal, il le verra. Donc on sait que les actes, même s'ils sont peu, ils seront vus au jour du jugement. Mais certains leurs actes ils seront lourds et certains leurs actes ils seront légers. Qu'est-ce qui fait que cela, qu'est-ce qui est la cause pour que cela leurs actes ils sont lourds? C'est parce qu'ils étaient croyants, ils étaient musulmans. Qu'est-ce qui fait que cela leurs actes ils sont légers, c'est-à-dire plutôt ils n'ont aucun poids? C'est parce qu'ils étaient mécréants. Mais dans ceux dont les actions ils ont un poids, c'est-à-dire les musulmans et les monothéistes, est-ce que toutes leurs actions elles ont le même poids? Non, ils divergent à des degrés énormes, selon notamment l'ikhlas qu'ils mettent dans leurs actions, et selon aussi le mutaba'a, c'est-à-dire le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont dans leurs actions. Un homme il peut prier deux rak'a et un autre à côté il prie deux rak'a, et pourtant l'un des deux il a beaucoup plus de récompenses malgré qu'ils ont prié les mêmes deux rak'a. Pourquoi? Parce que l'un des deux il sera plus sincère, ou alors parce qu'il aura mieux suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces deux rak'a, alors que l'autre par exemple il prie en imitant son père ou son grand-père sans savoir pourquoi il fait tel ou tel geste. Donc avec ça, avec la sincérité qui est dans les actes et le mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actes ils prennent du poids. En fait c'est pas la surat al-zulzilat que je voulais citer, c'est la surat al-qari'a. يعني من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. هي هذه السورة التي كنت أريد أن أستشهد بها. Donc en fait la sourate que je voulais dire pour exprimer ça, qu'au jour du jugement les actes seront légers ou lourds, c'est pas la sourate Al-Zuzilat, c'est Al-Qari'a. Quand à la fin on dit celui dont les actions sont lourdes, celui-là il sera agréé, et celui dont les actions sont légères, فَأُمُّهُ هَوِيَة, c'est-à-dire il sera dans أُمُّهُ هَوِيَة, je peux pas le traduire comme ça, le muhim on comprend qu'il sera dans l'enfer, Al-Hawiyah. وَالْمَظَالِمْ قَدْ تَدَاعَتْ إِلَيْهِ. Et il verra aussi, Al-Zalim, que les choses injustes qu'il a faites, elles seront réclamées contre lui. Et elles seront, c'est-à-dire elles vont l'enlourdir, et elles vont être présentées contre lui. Al-Mazalim. Al-Mazalim, c'est quelque chose de grave dans l'islam, le fait de commettre des injustices. Et n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, l'injustice sera des ténèbres au jour du jugement, c'est-à-dire pour celui qui l'a commis. Et n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, qui est pour vous al-muflis? Donc les sahaba ils ont répondu, al-muflis indana man laysa lahu dirham wala dinar. Ils ont dit, le muflis c'est celui qui n'a pas de, parce que c'est le perdant, donc c'est celui qui n'a pas de dinar, pas de pièce d'or ni de pièce d'argent. Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam que al-muflis, le vrai muflis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui va venir avec beaucoup de hasanat. Wa qad daraba hadha wa shatama hadha wa akhadha mala hadha. Mais il a insulté celui-là, il a frappé celui-là et il a pris les biens de celui-là. Donc on va distribuer ces hasanat aux gens à qui il a fait des injustices, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien et qu'on le jette en enfer. Et Allah dit dans le hadith Qudsi, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharraman, fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice, et je l'ai rendue interdite entre vous, donc ne commettez pas d'injustice les uns envers les autres. Et il verra aussi, donc, comme il l'a dit le cheikh, il dit qu'il verra ses péchés. La personne ce jour-là, elle verra toutes les mauvaises actions qu'elle a commises et elle verra le châtiment éternel devant elle. Donc c'est là qu'elle regrettera. Et de l'autre côté, les croyants, ils réussiront dans ce jour-là, ceux qui ont avancé pour leur propre personne des bonnes actions. Donc ceux-là, ils auront la grande réussite et ils seront préservés du châtiment de l'enfer. ثم قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك يعني هناك قراءتان في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Donc la traduction des versets: ô toi l'être humain, qu'est-ce qui t'a trompé à propos de ton Seigneur le noble, le Karim, celui qui t'a créé, fasawaka fa'adalak, c'est-à-dire après il t'a créé parfaitement. Fi ayyi suratin masha arakabak, et il t'a composé dans la forme qu'il a voulu. Mais plutôt vous mécroyez, ou vous démentez ad-din ici, c'est-à-dire la rétribution, alors qu'il y a sur vous des gardiens, des nobles qui écrivent et qui savent ce que vous faites. Donc ça parle de, bien sûr, des anges. Fayaqul al-shaykh fi at-tafsir رحمه الله تعالى يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حق ربه المتجرئ على مساخطه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه أم عدم إيمان منك بجزائه. Donc le cheikh dit ici, Allah s'adresse pour blâmer l'être humain qui a des manquements dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il ne fait pas ce qu'Allah lui a demandé de faire. Donc c'est comme s'il lui demandait, toi l'être humain, qu'est-ce qui t'a trompé auprès d'Allah? Est-ce que tu prends à la légère les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que tu prends à la légère son châtiment? Ou est-ce que tout simplement, tu ne crois pas au fait qu'il va te récompenser? Alaysa huwa alladhi khalaqaka fasawwaka, ya'ani fi ahsani taqwim, fa'adalak. وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات. Donc il dit, n'est-ce pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a créé et qui t'a créé d'une belle façon et qui t'a composé d'une composition, d'une belle composition, d'une forme parfaite et d'une des plus belles façons. C'est-à-dire, l'être humain, il a une création qui est belle et une forme qui est belle et qui est parfaite. فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ Donc comment après ça toi tu peux renier le bienfait de celui qui t'a donné des bienfaits? Comment tu peux renier la bienfaisance de celui qui a été bon envers toi, qui est Allah subhanahu wa ta'ala? إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك فاحمد الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات فلهذا قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. Donc il dit ça, l'être humain, ça fait partie de ton ignorance et de ton injustice que tu mécrois ou que tu renies les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt l'être humain, il doit louer Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah, il lui a pas donné une forme de chien ou une forme d'âne. C'est-à-dire que certes Allah azza wa jalla, il a honoré l'être humain rien que dans la forme qu'il lui a donnée par rapport aux animaux. Et c'est pour ça qu'il a dit fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, il t'a composé sur la forme qu'il a voulu. Wa qawluhu kalla bal tukadhibuna bid-din, ay ma'a hadha al-wa'd wa al-tadhkir la tazaluna mustamirin 'ala al-takdhib bil-jaza. Donc après il a dit kalla, donc c'est comme s'il disait non, bal tukadhibuna bid-din, plutôt vous démentez la rétribution, la récompense ou le châtiment. C'est-à-dire malgré tout ce rappel, malgré toutes ces exhortations, vous continuez à démentir vis-à-vis de la rétribution. Ad-din ici, ça veut dire ad-jaza. Ad-din en arabe, il peut avoir plusieurs sens. il peut vouloir dire la religion, comme Allah il a dit, inna ad-din 'inda Allah al-islam, c'est-à-dire la religion auprès d'Allah c'est l'islam. Et il peut vouloir dire al-jaza, c'est-à-dire la récompense, le fait d'être récompensé en bien ou en mal, comme quand on dit maliki yawmiddin. Ad-din ici ça veut dire al-jaza. Wa antum, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer les alliés d'Allah, ça c'est une des plus grandes adorations. والذين آمنوا أشد حبا لله ولغ التوكل, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une action du cœur. الخوف, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une action du cœur. Et aussi parfois الصبر, الصبر parfois ça se voit pas sur la personne, le fait qu'une personne se retienne de faire quelque chose, ou alors patiente vis-à-vis du destin d'Allah, ça c'est dans son cœur, à l'extérieur ça ne se voit pas. Et aussi el muhasaba, le fait de se demander des comptes, ça c'est à l'intérieur de la personne. Et beaucoup d'autres, le fait d'avoir peur du châtiment d'Allah, c'est-à-dire de ne pas se sentir en sécurité du châtiment d'Allah, ça aussi c'est dans le cœur. Et niya, el ikhlas, ou alors el inaba, le fait de revenir vers Allah et d'être sincère, tout ça aussi c'est dans le cœur. Et à l'inverse, parmi les plus grands crimes, les plus grands péchés qu'une personne elle peut commettre, c'est aussi dans le cœur. Par exemple, le hasad qui est la jalousie, le fait de détester qu'une personne ait quelque chose de bien que toi t'aurais aimé avoir. Ça c'est dans le cœur, ça se voit pas à l'extérieur. Et ça brûle les actions comme le feu il brûle le bois. Ou alors l'orgueil, n'est-ce pas que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr. Celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur, il ne rentre pas au paradis. Et l'orgueil, ça ne se voit pas. Les actes qui découlent de l'orgueil, ils se voient, mais l'orgueil, c'est dans le cœur. Le fait de détester les musulmans et les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça aussi, c'est dans le cœur. Et aussi, certains péchés dont on ne parle pas souvent, c'est ce qu'on appelle al-ya'su min rawhillah wa al-amnu min adhabillah. Ça, c'est deux parmi les plus grands péchés que l'être humain il peut faire. C'est de se sentir en sécurité du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Ça aussi, c'est dans le cœur. Le fait qu'une personne, au fond d'elle, elle se dise, moi je suis fichu, Allah il va jamais accepter mon repentir, ça ne sert à rien que je me fatigue. Donc, voilà, il y a les deux. Il y a aussi la parole d'Ibrahim. Voilà, donc c'est-à-dire Allah dit dans le Coran que nul ne désespère de la miséricorde d'Allah ou de Rawhillah si ce n'est les gens perdants ou si ce n'est les injustes. Et de l'autre côté aussi le fait de se sentir en sécurité, c'est-à-dire la personne elle se voit tellement bien qu'elle dit ça y est, moi Allah il ne va pas me châtier, je suis à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pire que certains péchés que la personne a commis avec ses mains, avec sa langue ou ses pieds. Donc les anges aussi écrivent tout ça. Donc il dit le shir aussi, donc il convient aux êtres humains d'honorer les anges et de les respecter. Et il fait partie du fait de respecter les anges, justement comme chacun il a des anges autour de lui, c'est d'avoir la pudeur envers eux. Et de se comporter ne serait-ce que, même si tu es tout seul, premièrement par pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi par pudeur envers les anges qui peuvent t'accompagner. Ça on en a un exemple dans la sunna. Quand le prophète il a interdit par exemple sallallahu alayhi wa sallam le fait d'avoir des mauvaises odeurs dans la bouche parce que ça nuit même aux anges qui sont dans les mosquées. ثم قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. Donc la traduction des derniers versets, les pieux seront dans les bienfaits, c'est-à-dire le paradis, et les désobéissants seront dans l'enfer, dans lequel ils seront jetés au jour du jugement. Et ils ne seront pas absents, c'est-à-dire ils n'éviteront pas l'enfer. Et qui te dira ce qu'est Yawmuddin, c'est-à-dire le jour de la rétribution? Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? C'est le jour où personne ne détiendra quoi que ce soit pour qui que ce soit. Et l'ordre sera ce jour-là à Allah, Al-Amr. c'est-à-dire la décision. فيقول الشيخ في التفسير رحمه الله تعالى المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. Donc il dit Al-Abrar, c'est ceux qui respectent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi les droits des êtres humains. Parce que l'être humain, si on regarde, ça c'est important de bien comprendre. Ça enlève beaucoup de, si on peut dire, de choubouhet. L'être humain, il a combien de, entre guillemets, de directions? Il a trois directions. Entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, entre lui et les gens, et entre lui et sa propre personne. Donc il doit respecter les droits de tout ça. Si il respecte les droits d'Allah, donc il est mouahid et il adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour autant qu'il peut se permettre de faire ce qu'il veut envers les gens. Et quand je dis les gens, c'est même plus que les gens, que ce soit envers les êtres humains, les djinns et même les animaux et même la nature en général et la terre qu'Allah azza wa jalla il a mis et qu'on doit respecter et dont on doit respecter les droits. Donc celui qui est juste avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il l'adore sans lui associer, donc il respecte haqqullah, mais il est injuste envers les serviteurs, son tawhid et sa foi elle est très réduite, et au jour du jugement il sera celui dont on parlait tout à l'heure, al-muflis. Et encore pire pour celui qui respecte les droits des êtres humains et même qui va être bon envers eux, mais il ne respecte pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là c'est le mushrik, et le mushrik on a vu que ses actions elles sont nulles. Donc ça aussi, ça sert dans la da'wah. Je ne sais plus si c'est ici, on avait déjà parlé de ça une fois. Mais le muhim, c'est un bon rappel. Parce qu'on trouve beaucoup de gens autour de nous, quand on veut leur parler pour qu'ils pratiquent, etc., qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi je fais de mal à personne. Alhamdulillah, moi je suis musulman. Mon père a fait le hajj. Et il croit que ça va lui servir que son père a fait le hajj. Et moi je fais de mal à personne. C'est ça le principal. Je vole pas, j'insulte pas. Mes voisins, ils se plaignent pas de moi, etc. Donc cette personne, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, khair, c'est bien. Et le fait que tu fais de mal à personne, ça c'est demandé dans l'islam. Mais il te reste trois choses, ou plutôt sur les trois, il t'en manque deux. Tu as respecté le droit des gens, mais tu n'as pas respecté ton droit à toi, qui est de ne pas commettre des péchés. Et tu n'as pas respecté le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le fait d'obéir à ses ordres et de le vouer l'ibadat qui sont la salat à l'heure, le zakat, ramadan, le hajj, l'amr bil ma'aruf, wa'an-nahy anil munkar, etc., etc. Donc certes tu as respecté les droits des gens, mais tu n'as pas respecté le droit de celui qui a le plus grand droit subhanahu wa ta'ala, qui est Allah azza wa jal. Donc de là aussi on comprend pourquoi Allah azza wa jal au jour du jugement les mécréants ils n'auront pas de poids dans leurs actions, alors que beaucoup maintenant ils disent oh, regarde quand même, bon on va pas citer les noms, regarde elle a fait beaucoup de bien aux pauvres, elle a fait beaucoup de bien aux orphelins, lui il a fait beaucoup de bien aux pauvres, il a ouvert des orphelinats, etc., etc. Et des gens qui sont connus, et quand ils meurent les musulmans ils disent non quand même c'est pas possible qu'il y ait un enfer. Si c'est possible, parce que certes il a été bon envers les gens, ça c'est une chose. Et encore, il faut voir avec quel niya. Parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là, quand ils parlent de leurs œuvres, mashallah, ils déballent. J'ai fait, et on a fait, et j'ai refait, et on fera. Donc à la fin, tu fais ça vraiment pour aider les gens, ou alors, tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors pour être connu. Ou alors, il le fait parce que Allah azza wa jal, il a mis dans l'être humain quelque chose qui donne envie de faire du bien aux autres. Donc il a suivi cette tabi'a, cette nature qu'il a en lui. Donc admettons que hukuk al-insan ou hukuk al-khalq, il les a respectés. Mais qu'est-ce qu'il a fait de haqqullah subhanahu wa ta'ala? Quand il a dit al-masih ibnullah, quand il dit que Isa c'est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quand il dit inna Allah thalithu thalatha, quand il dit Allah ce n'est que le troisième de trois, c'est-à-dire qu'Allah il est trois, quel haqq il a respecté? Ou quand il dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un kadhab, ou que c'est un dajjal, ou que c'est Rasulul Ummiyin, que c'est l'envoyé seulement pour les illettrés des Arabes, c'est pas pour nous, Donc il n'y a pas un plus grand zulm que ça. Imaginez-vous une personne, elle fait du bien à tout le monde. Mais quand il rentre chez lui, il insulte sa mère, il la frappe, il lui dit des insultes, alors qu'elle n'a rien fait de mal. Comment on va le considérer? On va dire, là, c'est un tordu, c'est un pourri. Donc qu'est-ce qu'il en est d'une personne qui fait du bien à tout le monde, mais le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'a piétiné? En soi, elle n'y croit pas, ou soit, parce que la plupart du temps, ces gens-là, c'est des chrétiens. Donc ils disent, Allah, il a un fils, ou alors ils adorent des saints en dehors d'Allah. Ou alors, comme il a dit un d'entre eux, qui est très connu, mais je ne vais pas citer le nom, mais de toute façon, vous connaissez tous, il dit, quand je vais mourir, j'aurai beaucoup de questions à poser à Dieu. Subhanallah. La yas'alu an ma yaf'al, wa hum yus'alun. Ma qadarullah haqqa qadrihi. Allah Azza wa Jal, il nous a informé dans le Coran. On ne lui pose pas de questions sur ce qu'il fait, c'est lui qui pose les questions. Ou alors il a dit dans un autre verset, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Ils n'ont pas estimé Allah à sa vraie valeur. Celui qui a connu Allah Azza wa Jal et qui l'a adoré, est-ce qu'il va dire, j'aurai beaucoup de questions à lui poser? Miskin, c'est toi qui n'auras pas le droit de parler yawm al-qiyamah. Et c'est toi qu'Allah Azza wa Jal, il va dresser des témoins contre toi. Et toi, tu vas poser des questions à Rabbul Alamin. Donc regardez le jahl en vérité. Ils ont adoré Allah, mais à la zulm wa à la jahl, en étant ignorant, en étant injuste. C'est pour ça, là on comprend pourquoi tous leurs actes qu'ils ont fait, dans lesquels ils sont fatigués, ça ne va rien coûter. Ben là maintenant on comprend pourquoi, parce que de l'autre côté il y avait des choses pires que ça. C'est dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Al-Abrar, c'est ceux qui respectent le droit des créatures et le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont continuellement sur le bir. Al-bir, yani al-taqwa wa ta'a, le fait d'adorer Allah, d'obéir à Allah. Que ce soit dans leur cœur ou que ce soit avec leur corps. Donc ceux-là, ils ont un délice, yani na'im. Ils vivront dans les bienfaits et les délices, dans trois étapes. Ici-bas, dans le barzakh, c'est-à-dire le monde intermédiaire, le monde des morts, et dans l'akhira. Dans ces trois-là, ils auront na'im. Parce que même le mu'min, il a na'im même ici, dans son cœur. Comme il disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, que si vous me mettez en prison, pour moi c'est le Jannah. Pourquoi? Parce qu'il y a avec Allah Azza wa Jal, il adore Allah, il fait son dhikr. Où qu'il soit, il disait Jannati fi qalbi. Mon paradis, il est déjà dans mon cœur. Ou bien il disait, rahimahullah ta'ala, Man lam yadhuq Jannah huna, lam yadhuqhu hunak. Ou une ibara comme ça. Celui qui ne goûte pas au paradis ici, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Halawat al-iman. Le délice de la foi, il ne le goûtera pas là-bas, c'est-à-dire au jour du jugement, et aussi dans le barzakh, c'est-à-dire dans la tombe, et aussi après au paradis. Et donc ce na'im, le shirk dit, ça c'est à la fois dans leur cœur, dans leurs âmes et dans leur corps. Wa inna al-fujjara la fi jahim. Wa inna al-fujjar ya'ani alladhina qassaru fi huquqi Allahi wa huquqi ibadihi الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم لأن القلب هو الأصل يعني كما قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يعني أصل التقوى أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله لأن القلب هو الأصل هو الأمير يعني هو الذي يأمر الجوارح واللسان فإذا كان طيبا الإنسان سوف يتكلم بالكلام الطيب ويعمل أعمال صالحة والعكس بالعكس إذا كان فاسدا فأقواله وأعماله ستكون سيئة لفي جحيم أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين أي يوم الجزاء على الأعمال. Donc après il a dit الفجار وإن الفجار لفي جحيم. الفجار il dit ce sont ceux qui n'ont pas respecté les droits d'Allah et les droits des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux dont les cœurs ils étaient mauvais et donc leurs actes aussi ils ont été mauvais, parce que le cœur c'est la base, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est mauvais tout est mauvais, s'il est bon tout est bon. C'est-à-dire que si le cœur il est bon, la personne elle va faire des bonnes actions et elle va dire des bonnes choses. Et si le cœur il est mauvais, elle va dire des mauvaises paroles, des péchés, et elle va commettre des mauvaises actions. La fi jahim, donc ils seront dans un jahim, c'est-à-dire dans un châtiment douloureux, que ce soit ici-bas ou dans le monde des morts ou dans l'akhira, c'est-à-dire dans la vie future. Ici-bas, pourquoi? C'est pas un ici-bas, c'est pas un adab dans le sens où ils sont torturés, ils sont châtiés. Mais c'est comme il a dit Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. C'est-à-dire celui qui se détourne de mon rappel, il aura une existence ضَنْكَ, c'est-à-dire serrée, amère. Et ça on le voit autour de nous, qu'un non-musulman des fois il peut être milliardaire, il y a tout chez lui, l'écran plasma, la Ferrari, la piscine, etc. Et après tu vois il prend de la cocaïne, où il fait une cure de désintoxication, ou alors il finit à l'asile, ou alors le pire, il se suicide. Ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Pourquoi? Parce que l'insan, il ne sait pas où il va, il ne sait pas pourquoi il fait, il peut avoir tout ce qu'il veut. Là, yashba', de toute façon, il ne va pas être rassasié de tout ce qu'il a. Mais parce qu'il n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala. وما هم عنها بغائبين اي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها لا يخرجون منها. Après il a dit وما هم عنها بغائبين, يعني ils seront pas entre guillemets absents de cet enfer, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas en sortir, ils y resteront pour toujours. وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين ففي هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الاذهان. يعني لأن الله يكرر السؤال ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. Donc après il a dit et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution, et qui te dira, il a répété une deuxième fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution, c'est-à-dire c'est pour montrer l'importance et nous faire peur vis-à-vis de ce jour-là. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت لها قريبة أو حبيبة مصافية فكل مشتغل بنفسه فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. Donc il a dit c'est le jour où personne ne la tamliku nafsun li nafsin shay'a, c'est-à-dire une personne elle ne détiendra rien pour une autre personne. Chacun il sera préoccupé par ses propres affaires. Donc c'est un jour comme on l'a vu dans les autres sourates où l'homme il va même se détourner de sa mère et de son père. S'il lui demandait une seule hasana, sa mère ou son père, il ne leur donnerait pas. Pourquoi? Tellement il est préoccupé par sa propre personne et par sa propre situation. C'est pas comme ils disent certains Dajjajila, si vous me faites le bay'a maintenant, au jour du jugement, je vous porte sur ma main. Allah musta'an. Ou alors je vais vous porter sur mes épaules. Il dit ça à tous ses disciples. Qui c'est qui prête serment? Alors ils lèvent tous la main. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce verset? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Il dit, aujourd'hui, si vous me prêtez serment, donc ça malheureusement ça existe. Dans les pays musulmans, on ne parle pas des chrétiens et des juifs. C'est alors je vous porterai tous sur ma main ou je vous porterai tous sur mon dos et je vous ferai rentrer au paradis. Toi déjà rentre au paradis, après on discutera de ce que tu vas faire. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه والله أعلم. Et il dit pour conclure la sourate, et l'ordre ce jour-là, c'est-à-dire la décision, sera à Allah. C'est-à-dire c'est lui qui tranchera entre les gens. Et c'est lui qui rendra les injustices. C'est-à-dire celui qui a vécu, qui a subi une injustice, elle sera rendue de celui à celui qui a commis l'injustice envers cette personne. والله أعلم. C'est pas l'heure? Donc en ce qui concerne par exemple, on parlait des gens qui disent je vais te porter sur ma main, je vais te porter sur mon dos yawm al-qiyama. Regardez comment ils sont, alors que Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, ils pleuraient parce qu'ils avaient peur de rentrer en enfer. Et Omar ibn al-Khattab jusqu'à sur son lit de mort, ils pleuraient, ou alors ils demandaient à Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, parce qu'ils connaissaient les noms des hypocrites, le munafiqin, il demandait à Hudhayfa Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit dans la liste des munafiqin? Omar ibn al-Khattab. Et Hadha avec la grande imama, il vient et il dit je vais te porter sur ma main. Yawm al-Qiyama. Alors qu'il ne vaut pas le. On ne va pas dire il n'arrive pas à la cheville. Il n'arrive pas à, au grain de sable qui était en dessous de la sandale de Omar ibn al-Khattab. Radiallahu anhu. Donc on ne va pas rentrer dans Tafsir al-Mutaffifin. On la garde pour jeudi prochain, inshallah ta'ala. Juste comme il reste 5 minutes à la limite, comme ça arrive à quelqu'un tout à l'heure, on peut le dire. Si quelqu'un il rentre à la mosquée et il lui manque une raka'a, donc il a prié avec les gens et après il dit salam avec eux, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Est-ce que parce qu'il a dit salam, il doit, ça y est, il faut qu'il refasse la salat complète ou pas? En fait, si il a lamiyatul al-fasl, c'est-à-dire si ça fait pas trop longtemps qu'il a dit salam. Par exemple, il a dit salam avec tout le monde, donc il lui manque une raka'a. Et il a commencé son dhikr. Ou alors il a parlé avec quelqu'un. Mais ça fait pas longtemps qu'il a dit salam, et il se rappelle, il peut se lever sur place, il rentre dans la salat à nouveau, donc il dit Allahu Akbar, et il refait sa troisième raka'a. Donc il va prier une raka'a toute seule. En fait, il rattrape sa prière, sa raka'a qu'il a manqué, et à la fin, il fait deux sajda. Parce qu'il a rajouté le salam, et il a rajouté aussi, il a parlé entre les deux. Donc ça, au cas où, ça arrive à quelqu'un. Tahiyya. Allahu a'lam, je ne me souviens plus. Sajdatayn, il faut savoir, ça aussi c'est une parole, inshallah, bénéfique. Sajdatayn, sajdat as-sahou. Il faut savoir que, certes, par exemple, on connaît la risala de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, où il dit, par exemple, quand c'est dans tel cas, on le fait avant. Quand c'est dans tel cas, on le fait après. Donc ça, c'est ça c'est notamment le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Mais il faut savoir que la majorité des ulama, ils ne sont pas durs sur sajdatayn, sajdat sahou. Et même l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire, les ulama, ils disent que si tu as fait une erreur dans ta salat, qui te mérite les deux sajdat sahou, si tu le fais avant salam ou après salam, c'est bon. Il y a même dans un madhab, je ne sais plus si c'est Shafi'i, qui dit que tu les fasses, il faut tout le temps les faire avant. Et l'autre, je ne sais plus si c'est le madhab al-Hanafi, il y a deux madhabs comme ça. Un il dit, il faut tout le temps les faire avant, un il dit, il faut tout le temps les faire après. Et l'imam Ahmed, lui, non, il a dit, dans des cas, il faut la faire avant, dans des cas, il faut la faire après. Donc ça, c'est une masala ijtihadiyya. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit que la personne elle sache qu'elle fasse avant ou après, sa salat, ces deux sajda, elles sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les jeunes qui savent lire, ils ont encore leur tête et tout, eux, inshallah, ils font l'effort. Ils essayent de différencier quand est-ce qu'on fait sajda, avant ou après. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه